Bonus. Trax. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute. Deuxième et dernière séance de ce Blind Test. Nos jeunes héros font de bien inquiétants rêves tandis que leur vie au manoir bascule. Les habitants de ce dernier semblent changer petit à petit. Et les quatre frères s'apprêtent à vivre une expérience des plus singulières. Donc bonsoir à tous, nous voilà de retour pour la deuxième partie de ce nouveau blind test qui s'appelle Chef de groupe. Et donc je suis en compagnie de Brice Rotul. Oui. Brice Rotul, tu joues Barthélémy. Je suis également en compagnie de Gromax. Bonjour, je suis Oedipe, un petit peu lune. Nous avons également avec nous Malouin. Moi, je suis Lucien, le petit gars qui est bien à l'aise dans la famille dans laquelle il est. Et c'est très bien. Et pour finir, nous avons Valkan, évidemment. Je joue Grégoire, un costaud qui rêve de partir à l'aventure. Donc, vous avez vécu tout un tas de choses. Hein. Votre soirée, dernière soirée était un petit peu chamboulée puisque Catherine a été retrouvée blessée, inconsciente. Elle n'est pas sortie, elle n'est toujours pas sortie de son inconscience. Et le lendemain matin, vous êtes emmené par Patrick. Patrick un peu inquiet, mais qui ne laisse pas trop paraître, à l'école. Vous êtes à l'école, c'est la pause déjeuner, et donc Barthélémy, Grégoire et Oedipe, vous cherchez Lucien, et vous le trouvez. Il est à terre, face à la bande de Lecluse, donc ce cher André Lecluse avec son ami Richard, et trois autres benets qui ricanent face à un Lucien à terre. André est au-dessus de lui et le maintient au sol avec un pied. Ben, je lui fonce dessus. Avant cela, paf, vous vous retrouvez tous en pleine Seconde Guerre mondiale. Oedipe, tu ne t'appelles pas Oedipe, tu es le sergent de cette petite équipe. On n'est pas dans la merde. Cette équipe constituée d'une infirmière, d'un radio et d'un expert en explosifs. Mais qui est qui? Qui est qui parmi vous trois, Barthélémy? Je suis l'infirmière sexy, moi. L'infirmière, très bien. Qui est la radio et qui est l'expert en explosifs? Moi, je suis le radio, moi. Ok, bah, je serai la... Donc Grégoire sera l'expert en explosifs. Et ouais. Et donc, vous êtes bien dans la même situation, peu s'en faut. Votre ami radio est donc à terre, entouré de nazis, prêt à l'abattre, encerclé même. Vous êtes tous les trois ensemble, et bien justement, vous voyez votre sergent qui vous lance un regard et qui fonce, et qui saute sur des nazis. Qu'est-ce que tu as en main? Comment les frappes-tu? Je fonce dessus. Si j'ai un fusil dans les mains, je tire avec. Sinon, je prends mon pistolet, et une fois que je suis arrivé au contact, c'est à la crosse ou au couteau. C'est en fonction. Alors, pour préciser, vous savez qui vous êtes. Vous avez des noms et des prénoms. Vous savez que vous avez un passé, mais vous ne connaissez pas le futur. C'est-à-dire, vous n'avez pas conscience. En fait, là, vous, c'est-à-dire Oedipe, Barthélémy, Grégoire et Lucien, vous vivez cet événement. Oui, c'est notre présent. Mais comme un regard extérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas possibilité de modifier les choses ou de vous appeler par vos noms de présent, etc. Enfin, voilà. Vous jouez néanmoins les personnages, mais il y a une certaine règle qui joue néanmoins, je précise. Donc, Oedipe, es-tu vraiment doué avec les armes à feu? Combien as-tu en esprit? J'ai 5. 5, donc effectivement. Eh bien, écoute, tu vas me lancer 5D. As-tu une spécialité qui compte? Non, je n'en vois pas. Non, éventuellement survie, mais... Non. Eh bien, c'est un triste échec. Je n'irai pas jusque-là. Je dirais que ce n'est pas réussite. Donc tu épaules ton fusil, tu lances une rafale, mais qui ne touche personne. Bah, ça va leur attirer leur attention, ça sera toujours ça de prix. Tout à fait. Tiens bon, Lucien. Et bien justement, qui agit ensuite? Tiens bon, radio, on arrive. Bien, j'agis, parce que je m'apprête aussi à lancer un flashbang. Moi, c'est Lucky. Un flashbang? Voilà, tu as 2 en esprit et tu as 5 encore. Moi, je pense plutôt que tu leur fonces dessus et que tu commences à leur donner des énormes coups de poing qui les propulsent en arrière, non? Qu'est-ce que t'en penses? On arrive, Lucky. Ouais, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Tu leur sautes dessus, tu commences à leur donner des grands coups de poing. Écoute. Allez, lance-moi donc tes 5 dés de corps. Ou à moins que tu en aies plus maintenant, parce que j'ai pas forcément les modifs. Vivacité en plus te permet d'avoir un modificateur, donc tu touches sur 4+. Ça fait donc 4 succès. Mmh. Eh bien, tu sautes, tu attrapes... Explique-moi comment tu arrives à mettre à terre 2 soldats. Eh bien, écoute, je pense que je surgis d'une tranchée ou autre et je saute sur le premier qui est directement sur son dos, qui, du coup, déséquilibré, entraîne son compagnon par terre et je m'acharne dessus alors qu'ils sont tous les deux par terre. Bah, t'as pas vraiment à t'acharner, en fait. Un coup de poing de ta part et ils sont propulsés en arrière... leurs os se brisent sous tes poings, hein, très clairement. Ah ouais, ah oui, c'est costaud, quoi. Tout à fait. Quel colosse. Lucien, Barthélémy, tu m'as dit que tu tirais, je crois. Oui, tout à fait. Donc l'infirmière sort 2 pistolets de ses holsters et commence à canarder, je t'en prie. Non, ce n'est pas du tout étrange qu'une infirmière ait 2 pistolets, évidemment. Non, c'est pas étrange. C'est la guerre. Non. C'est une spécialité dans l'érudition, ça marche pas. Tu aurais sens, ça aurait fonctionné. Non. Ok, ça fait donc une touche. Néanmoins, tu abats probablement le nazi qui était au-dessus de notre ami radio et en train de l'insulter et de l'interroger. Ce qui libère Lucien. Lucien, que fais-tu? Il y a encore des nazis autour de moi. Oh, il y a encore quelques nazis autour de toi. Effectivement, tu te relèves avec un sourire et qu'est-ce que tu fais? Je jette... qu'est-ce que je peux acheter? Je vais pas acheter ma radio parce que ça craint un peu quand même. je jette une pierre qui était au sol vers un groupe, en fait. Ouais, très bien, vas-y, je t'en prie. On essaie d'en toucher un, mais... Ok, c'est ton jet. Et esprit, du coup. Esprit, 4d6. C'est un échec aussi. Donc tu arraches un beau rocher du sol, peut-être de 15 ou 20 kilos, que tu balances vers un groupe, mais sans les toucher, malheureusement. Et on est super balèze. Donc la scène se continue un petit peu comme ça, hein. Vous lâchez rafale sur rafale, Grégoire se précipite vers les groupes qui traînent, quelques balles vous touchent, mais bon, sans vous faire plus de mal que ça, c'est un peu gênant quand même. Mais... Ah ouais. Mais ça va. Ouais, là, il y a quand même un truc au commun. Et vous vous retrouvez maintenant dans la cour d'école, face à Lucien, à terre, André Lecluse, au-dessus de lui, entouré de ses amis autour. Que faites-vous? Vous pouvez rajouter sur vos feuilles de personnage, vous pouvez rajouter mémoire Seconde Guerre mondiale à 1. Okay. Et vous pouvez utiliser ça un peu comme un vécu, en fait. Ça peut vous donner un dé, vous faites appel à votre mémoire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pour ajouter un dé sur une action qui peut... Ça peut être pratique en test d'histoire, ça. Ça peut être super pratique en test d'histoire. Même, tu dis ça comme si tu en avais besoin. Du coup, moi je ramasse une pierre et je lance sur le connard de... Voilà, j'allais ramasser une pierre aussi et je la lance sur les nazis, sur les petits fachos là. Mm. Sur les jeunes nazis. Je m'avance prêt à donner des coups de poing. Ok, donc les deux lanceurs de pierres, je vous en prie, allez-y. Eh bien nous avons 2 pierres qui font mouche. Pim, pim. Alors, vous n'avez peut-être pas les toucher à la tête, mais en tout cas, au moins à la poitrine. Donc, il y en a qu'elle souffle bien coupé, l'autre qui est touché au cou et qui hurle en s'agrippant le... Possible dans les couilles. Non, peut-être pas, quand même. On va pas aller jusque-là. Et donc, il s'agrippe la gorge et il se met à crier. Donc, Grégoire, toi, tu t'approches, prêt à frapper, c'est ça? Ouais, je regarde Archie qui est encore sur Lucien et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, tu te barres tout de suite. Non, c'est André qui est sur moi. C'est André. C'est André ? C'est André, ouais. Bon, je le regarde droit dans les yeux, je lui fais, tu te barres tout de suite ou je te casse en deux. Eh bien, ça ressemble à un jet de dominance. Lucien, pour ta part, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'essaie de choper le pied d'André et de rouler sur moi-même, en fait. Et de le mordre. Non, mais le... Pour, lui arracher un orteil. Pour que bah, pour le déséquilibrer. Ouais, d'accord. Écoute, on va d'abord voir le jet de dominance déjà pour voir s'il recule ou pas. Et puis, oui. Et on fera ton jet par la suite. Pas trop mon truc, ça. Ah, alors effectivement, tu t'approches. Peut-être que tu trébuches en approchant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, l'effet escompté ne fonctionne pas. Nous allons voir si notre ami Lucien est un peu plus chanceux dans sa stratégie. Fais-moi un jet de corps, du coup. J'ai vivacité, ça rentre en ligne de compte ou pas? Ça diminue le seuil de difficulté. Tu passes de 5+ à 4+. Donc, c'est un triple succès. Oh putain. Ah bah écoute... Je arrache la jambe. Ouf. Explique-moi comment tu l'assommes. Non mais en fait... Avec sa jambe. Je le chope par le pied, je roule sur moi-même et en fait, je le fais tomber et puis en roulant, il s'éclate au sol, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ok, donc il tombe sur le sol assez violemment. Il papillonne des yeux pendant quelques secondes. Pas complètement assommé, hein, mais du coup les autres sont bien calmés par rapport à votre réaction. Vous voyez que ils se lèvent les mains et ils ramassent leur pote. Mais vous êtes complètement taré, ça va pas du tout. Mais ça va, on s'amusait, quoi. Ben moi aussi je m'amusais. Je me suis bien amusé d'ailleurs. C'était plutôt fun, c'était plutôt sympa. Mais faites gaffe, à une époque on vous aurait fusillé. Donc, vous voyez qu'ils ont pas trop de conviction, hein, quand même. Ils essayent de se défendre comme ça, mais bon, c'est pas très, ils sont pas très convaincus eux-mêmes par leur plaidoyer. Et donc ils embarquent leur pote, hein, qui se relève un peu en chancelant et la tête un peu en sang, et ils se dirigent manifestement vers l'infirmerie. Et voilà. Je regarde les camarades. Vous auriez pas vu ce que j'ai vu par hasard? Ben, j'allais te poser la même question. De quoi, sergent? De quoi, Oedipe? Est-ce que tu fais vraiment le malin comme ça, Barthélémy? C'est faire le malin que d'avoir une espèce de flash. C'est faire le malin que de dire « Sergent, ah non, Oedipe ». Je voyais pas ça comme faire le malin, plutôt comme avoir une espèce de dissonance. D'accord, ok. Marc Barth, t'aurais presque pu soigner André, en fait. Oh non, je... Il va très bien s'en sortir tout seul. Oui, donc sinon, les gars, je pense que ce serait peut-être pas mal qu'on en discute un peu, là. Un rêve partagé, comme ça, c'est éveillé. Ouais, c'est vraiment étrange, effectivement. Ouais, et puis on était des sortes de super-héros, un peu. T'es des super-héros, en fait. Comme tu les as massacrés, les gars, c'est... Et même après, il y a des gens qui nous tiraient dessus, et c'était gênant, mais normalement, ça tue. Ça restait relativement douloureux quand même. Mais... Si c'est un rêve, c'est pas très grave, mais ça explique pas pourquoi on a fait un rêve partagé en étant éveillé, en plein milieu de la journée, quoi. Mais ça, c'est parce que t'as mis un truc bizarre dans le médicament de ce matin, Bart, en fait, c'est ça? Ah non, pourtant, il me semble avoir fait comme d'habitude, mais... Alors effectivement, flashback, hein, vous avez du coup ce matin vous-même appliqué votre médicament. Bon, rien de bien compliqué, hein, ça reste une pommade à appliquer sur la poitrine, mais voilà, vous avez fait effectivement vous-même. On va aller vérifier, hein, ça marche pas de pain. Faut regarder les effets secondaires, ouais, sur l'étiquette, parce que là c'est chelou. En tout cas, on les a bien pourris, les gaziers. Ouais. On est d'accord qu'il s'est blessé en trébuchant sur Lucien en essayant de lui faire du mal. Tout à fait, j'ai aucun souvenir d'autre chose. Ok, c'est parfait. J'en ai marre de me prendre des heures de colle. Je comprends. Écoutez, si vous avez fini, du coup, le reste de la journée se passe. Nous sommes le jeudi 29 octobre 2009, pour rappel. Et donc, le reste de l'après-midi se passe. Patrick vient vous chercher le soir, comme d'habitude. Et il vous dit que Catherine a donné quelques signes. Elle s'est plus ou moins réveillée. Alors, elle n'a pas vraiment toute sa tête, mais elle parle un peu. Bon, en tout cas, elle a pas toute sa tête. Enfin, c'est pas qu'elle a pas toute sa tête. Je sais pas bien comment vous le dire, les gars. Elle parle, voilà, mais c'est pas trop où elle est, quoi. Mais bon, ça va mieux. C'est quand même encourageant. C'est ce qu'a dit Héloïse. Hein. Elle se souvient qu'elle fait la cuisine? Alors, elle fait pas la cuisine. Elle est infirmière. Non. Ah, oui. Mais du coup, non, elle s'en souvient pas. Non. Mais elle se souvient comment faire notre. Ah, elle se souvient de rien, en fait. Elle a pas de discours. Elle a pas de discours intelligent, quoi. Je croyais qu'elle parlait. Elle est un peu, elle délire un peu, oui, mais elle délire, quoi. Ah. Mais bon, un peu de repos et puis ça ira mieux, quoi. Vous inquiétez pas. Une question. On a eu des échos de ce qui s'est passé par les adultes, les instituts ou de ce qui s'est passé de quoi? Ou ce qui s'est pas passé dans la cour? Dans la cour avec André? Ah non, ils ont pas osé. Ok. Ils ont pas osé vous accuser. Ok, bon, très bien. Vous rentrez à la maison, alors c'est un peu morose. Si, dites-moi si vous voulez faire quelque chose de particulier, sinon on va aller assez vite sur le... Bah, rendre une petite visite à Catherine pour voir quand même. Ouais, moi c'est ce que j'aurais fait aussi, ouais. Ouais, quand même. Bah ouais. Histoire de... Et puis à l'infirmerie, vérifier la composition du médoc. Alors donc Catherine, quand vous arrivez, elle est endormie. Héloïse vous intime gentiment de ne pas, évidemment pas la surmener. Essayez de vous rassurer en vous disant que ça va aller. Elle s'est même, pendant que vous étiez en trajet avec Patrick, elle a même reconnu Héloïse. Enfin, elle s'est réveillée, elle a sorti quelques mots intelligibles. Donc, c'est plutôt encourageant. D'accord. Mais c'est ce qui lui est arrivé? Alors, non, pour l'instant... elle sait pas trop, elle a apparemment une présence, elle a eu un peu peur et elle a fui dans la forêt peut-être. C'est ce qu'elle a pu comprendre entre les délires et ce qu'elle a pu dire. Et effectivement, pendant que vous êtes avec elle, il y a un moment donné, voilà, elle va un peu se réveiller, elle va vous caresser les joues à chacun, enfin voilà, selon votre proximité, on va dire, avec elle, et essayer de vous rassurer en disant qu'elle a besoin de repos. Et elle va se rendormir quelques secondes après, quoi. En tout cas, vous n'avez pas vu de phase de délire, pas pendant votre présence en tout cas. Okay. Donc sinon, vous allez vérifier le médicament. Alors après, le problème c'est que vous n'êtes pas forcément très sûr de la recette, quoi. Donc du coup, ce que vous avez fait par rapport à ce que vous connaissez vous semble bon. Pas d'effet secondaire en regardant avec Barthélémy dans son encyclopédie, enfin dans l'encyclopédie de médecine. Tout ça. Et Bart, tu crois que si tu rajoutes des produits, tu penses qu'on peut aller sur... là, c'était genre la guerre, tu vois, la seconde guerre, on dirait, mais tu crois qu'on pourrait être des pirates la prochaine fois? Bah, j'en sais rien, j'ai rien rajouté, moi. C'est la recette de d'habitude, donc je comprends pas. D'habitude, ça se passe pas ça. Bah, c'est la nature, on est d'accord. Donc le repas se passe, alors l'ambiance reste morose, un peu plus légère quand même que la veille, puisque bon, ça va quand même un petit peu mieux, donc voilà. Mais bon, voilà, ça se fait plutôt dans le calme. Héloïse, d'ailleurs, n'accepte pas ce soir le moindre écart de votre part à vous, ou même des autres, hein, d'ailleurs. Hein. Donc vous sentez quand même assez affectée par ce qui est arrivé à Catherine, même si elle essaye de sans doute de pas trop vous le montrer, ou en tout cas de vous rassurer. Et donc, bah voilà, si vous faites rien de plus, vous irez vous coucher comme tous les soirs après avoir fait vos devoirs, certainement, pour les plus studieux. Bien entendu. Tout à fait. J'ai hâte de refaire des cauchemars, là. C'est génial. Et donc, bah, le lendemain matin, vous vous réveillez sans avoir fait de rêve particulier. Oh. Je vous sens déçu. Et donc, vous vous préparez comme à l'accoutumée. Vous croisez Marc qui amène un petit déjeuner à Catherine, qui vous fait un petit signe encourageant, un petit sourire, pour vous dire que, bah, en tout cas, elle va suffisamment mieux pour pouvoir manger, il l'espère normalement. Et donc, Patrick vous attend, comme d'habitude, dans la voiture, pour vous amener à l'école. Bon, bah. Ok, bah, go. T'es reparti, là. Avanti. Je regarde quand même bien sur les côtés, là, si je revois pas le hipster Zarbi, là. Le dark hipster. Dark hipster. Ah bah, vu la musique aussi. Donc vous vous arrêtez. Il est même dans la voiture. Vous vous arrêtez à la boulangerie. Alors malheureusement, la place devant la boulangerie est déjà prise. Donc du coup, Patrick se gare un petit peu plus loin. Et puis donc te tend, Lucien, l'argent habituel pour acheter viennoiserie. Ah, donc du verre, hein, je suis décontracté, je suis tranquille. Et donc tu t'approches et une main t'agrippe fortement le bras, une poigne assez forte. Tu entends une sorte d'aboiement, viens avec moi. Ça a donc tu te retournes et tu vois effectivement celui que vous avez appelé le hipster, je sais pas. Je ne vais pas vous contredire. T'as une odeur assez animale de pluie également qui te chope aux narines. Et donc tu vois cet homme qui a l'air assez courroucé et qui t'agrippe. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle à l'aide. Je crie et en essayant de me détacher, de défaire mon bras. Fais un jet de dominance, s'il te plaît. Ouh là là, tout ça. C'est impressionnant, je suis fou. T'as combien en dominance? Tu as 2 dés. Oh putain! Ah. Oh, là, il est chaud. En plus, t'avais volonté, donc... T'es en feu! Je suis en feu. Tu arrives à crier, en fait. Ta gorge se dénoue rapidement et tu commences à pousser un cri. Tu as à peine fini ton cri qu'en fait, l'homme est éjecté en arrière. Ton bras, enfin, elle t'en tire un petit peu sur ton bras, tu trébuches un peu en avant. Il est éjecté en arrière par... Et donc, tu vois Patrick qui se trouve juste derrière lui, qui l'a agrippé et l'a repoussé assez violemment en arrière. L'homme commence à se rapprocher... prêt manifestement à serrer les poings, prêt à bondir sur Patrick. Et là, vous apercevez, j'imagine que de la voiture, vous n'en perdez pas une miette, hein, parce que vous avez vu Patrick bondir hors de son siège. Je me demande même si on l'a pas suivi. Oui, on est allé avec lui. Hein. Ouais, pour moi, on l'a suivi derrière. Hein. Donc vous êtes à quelques mètres derrière, et vous apercevez deux policiers qui vadrouillent dans la ville. Et donc qui commence à l'interpeller. L'homme les aperçoit du coup et elle se met à courir dans une ruelle sur le côté. Les policiers se mettent à sa poursuite. Qu'est-ce que vous faites ? Voir si Lucien va bien. Ouais. Mais moi, je me mets à courir aussi, derrière lui. Bon, bah, je vais voir si Lucien va bien en lui courant après. Patrick te chope... Qu'est-ce que vous faites ? Restez là. Remontez la voiture tout de suite. Il faut l'attraper. Les policiers sont après lui. C'est pas vous qui allez l'attraper, c'est lui qui va vous attraper. Mais toi, tu peux l'aider. Tu peux les aider. Il va s'échapper, il va encore faire disparaître des gens. Allez, va lui casser la gueule. Si je vous laisse, Héloïse va me tuer. Mais tu ne nous laisses pas puisqu'on vient avec toi. Allez, montez dans la voiture. Montez dans la voiture. Il faut aller à l'école. Allez, écoutez ce que dit Patrick. On a contrôle de maths. Non, Patrick, non. Oui, bah écoute. Patrick. Ce sera notre petit secret. Je préfère aller courir. Je crains que Patrick reste sur sa position là-dessus. Bien, eh ben, de toute façon, vu qu'on n'a pas le choix, vu qu'on n'a jamais le droit de rien faire. De toute façon, dès qu'on a 18 ans, on se casse de cette maison. On ne peut jamais rien faire. Donc vous arrivez à l'école, Patrick du coup vous laisse à la porte, il vous accompagne d'ailleurs jusqu'à l'école, enfin jusqu'à le hall quoi. Mais Patrick, on est traumatisé, on peut pas aller en cours aujourd'hui. Ah Patrick, je me sens défaillir, ramène-nous à la maison. Il te pousse d'une main ferme à l'intérieur de l'école. Oh. Allez, je vais parler à Héloïse, on va voir ce qu'on fait, mais non, faut aller à l'école. Moi j'entends pas, je ris. Mais tu vois Patrick, on t'avait bien dit qu'il y avait un mec chelou. Vous gagnez tous un point de prégnance. Qu'est-ce qu'on prégne ? Prégnante en anglais se dirait enceinte, mais je vais pas foutre la merde. Qu'est-ce qu'on allait faire ? Et c'est peut-être ça. Et quand on arrive à 9, attention. Donc vous arrivez à l'école, donc du coup la matinée se passe. Le truc que vous apprenez assez vite, c'est que, bah, surtout toi Grégoire, c'est que tu ne vois pas Sam. Ah. Sam est absent. Est-ce que quelqu'un, donc le prof, fait l'appel ? Quelqu'un l'a vu aujourd'hui ? Non ? Bon, il le note. Sam, c'est notre copain, hein, c'est lui là, d'accord ? Ouais. Ah non, j'ai pas vu Sam, ça c'est bizarre. Et effectivement, bah écoute, alors tu le vois pas forcément tout le temps avant les cours, mais sans doute régulièrement, mais là en tout cas, voilà, tu l'as pas vu et bah, il est pas en cours. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans la journée ? Ah, moi j'ai essayé de... Le contrôle de maths déjà. Ouais, puis on va essayer de voir si quelqu'un a vu Sam quand même. Ouais, puis de retourner voir le prof, éventuellement celui qui a fait l'appel, pour lui demander s'il a eu des nouvelles dans l'après-midi. Ou... Le midi, effectivement, il vous voit arriver, alors... Vous voyez un peu hésiter, voilà, je sais que vous êtes un peu copain avec Sam. Écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais personne ne sait où il est. Ses parents, il est bien parti à l'école. Merde. Ok. Est-ce que on sait dans quel coin il habite et le circuit qu'il prend d'habitude ? Alors oui, tu sais où il habite. Tu peux savoir. Barthélémy, tu gagnes un point de prégnance, s'il te plaît. Parce que j'ai réussi le contrôle de maths. Suite à la bagarre avec André et compagnie, Grégoire, tu as pris également un point de prégnance. Ok, il en fait au moins 18. Fais gaffe. Et d'ailleurs, j'ai encore oublié, ce matin, suite à ce qui est arrivé à Lucien, à la boulangerie, vous avez tous, sauf Grégoire, vous avez gagné un point de prégnance. Voilà. Donc voilà, ce que vous dit le prof, c'est que, bah, effectivement, il semblerait... qu'il est disparu entre sa maison peut-être et l'école. Ah, c'est un coup du groupe à Archie, c'est un coup d'André et tout ça, je suis sûr que j'allais les interroger. Ou est-ce que ça serait pas le Dark Hipster qui serait tombé sur sa route ? Mais non, mais c'est le Dark Hipster, voyons, Grégoire. Bah non, parce que... Ils enlèvent pas les gens, André et sa troupe de fachos. Non, mais ils ont peut-être voulu se manger d'hier, ils l'ont peut-être tabassé, je sais pas. Ça, c'est pas impossible non plus, effectivement. Parce que le mec qui a voulu t'enlever, Lucien, enfin, il était sur nous à ce moment-là. Je veux dire, il n'aurait pas pu aller chercher Sam en même temps à côté, quoi. Il a peut-être fait avant, je sais pas. Peut-être fait... En tout cas, il y a déjà eu une disparition, ce fameux Archie. Le seul mec qui a essayé, enfin, la seule personne qu'on a vu rôder qui a essayé d'enlever un autre enfant, bah, c'est le Dark Hipster. Donc, quand il y a un troisième enfant qui. Un deuxième enfant qui disparaît, la connexion logique. Moi, je demandais au prof s'il y avait des signalements de Hipster barbu qui essayait d'enlever des gens, enfin, des enfants, ou qui rôdaient autour de l'école, ou quelque chose comme ça. Pas qu'il sache, en tout cas. Très bien. Sinon, on peut directement aller à la gendarmerie, là. Hein. Ça ne mange pas de pain. Ouais, d'ailleurs, ça se déclare, les tentatives d'enlèvement d'enfants, là. Ouais. Bah oui. Une question. André et Archie, ils ont des... on les a vus aujourd'hui ? Oui. Ils ont des comportements plus bizarres que d'habitude ou vis-à-vis de vous, oui. Oui, bon. Et... On leur a montré que c'était les patrons. Et ça, c'est bon. Maintenant, c'est nos putes. Et ça, c'est trop bon. Je vais leur demander, moi. Vous avez pas vu Sam ? Non. Ils ont l'air de... Non, monsieur. Non, mais oh. Peu de respect, là. Ils ont l'air sincères, ils ont l'air comment ? Écoute, fais-moi... Ceux qui sont là, faites-moi un jet de... d'esprit. Instinct éventuellement pour la spécialité, pour ceux qui ont une spécialité instinct. Pim, 3 succès. Bon. Il est chaud, il dit pas. Et, 3 succès pour les tiens, 1 succès pour Grégoire. Mais j'ai lancé que. Moi, j'ai que 2 dés, hein. C'est vachement plus méritoire. Tous sur moi, succès. Non, il vous semble sincère. Il vous semble sincère. Pour ceux qui ont fait 3 succès, vous pouvez juste voir en plus qu'il vous semble vous craindre plus que d'habitude. y compris Lucien, d'ailleurs. Je retiens une petite fierté. Non, une grande fierté, en fait. Ok. Vous apprenez rapidement que du coup, la nouvelle de Sam qui a disparu fait vraiment le tour de l'école. Et du coup, les cours sont annulés et terminent à 15h, plutôt que d'habitude. Quoi. Alors, on demande à Patrick de nous emmener, au commissariat. Hein. Est-ce que Patrick est là à la sortie de l'école, en fait, c'est ça ? Alors effectivement, donc à 15h, vous voyez la voiture de Patrick qui vous attend. Ah putain, il est trop fort. En fait, vous comprenez rapidement qu'il est rentré faire son rapport à Héloïse et il est très vite revenu, en fait. Donc, une demi-heure, enfin... Il n'est pas parti. Trois quarts d'heure après le début des cours, en fait, il était déjà de retour, quoi. Ou quelque chose comme ça. C'est notre gars sûr, Patoche. Patrick, il faut que tu nous emmènes au commissariat. Il faut qu'on dise ce qu'on a vu ce matin. Héloïse n'est pas pour ça. Bah ouais, mais c'est important. En plus, notre pote Sam, là, il est pas là. Il, à tous les coups, il s'est fait enlever. Il faut qu'on puisse dire tout ce qu'on sait, parce que comme ça va les aider à la retrouver. Bah écoutez, je vous amène à Héloïse et vous allez lui en parler. Ou alors, Patoche, écoute, on fait un deal. On fait pas un caca nerveux pour aller au commissariat, hein, comme ça te met pas en porte-à-faux avec maman. Par contre, tu nous emmènes voir la maison de Sam. Comme ça, on peut essayer de se renseigner un peu sur notre copain, parce qu'on est très très inquiet. Puis en plus, on est traumatisé de ce matin. Genre là, ça commence à faire beaucoup, tu vois, tu comprends, c'est dur. Elle le saura. Tu sais qu'elle le saura. Mais non. Allez, montez. Putain, il est dur en affaire. Vous sentez moins de l'inflexibilité que de la loyauté envers Héloïse, en fait. Il a vraiment pas envie de désobéir. Donc vous montez, il vous tend un paquet de fraises Tagada, probablement. Et donc, il repart vers la maison, comme ça. Donc vous arrivez, vous descendez de la voiture pour retourner à la maison. Barthélémy, tu, au bout de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, tu remarques que tu as oublié ton sac à dos dans la voiture. Mais j'ai pas envie de le faire enlever, moi. C'est pas grave, j'ai bonne mémoire, donc j'ai pas besoin de mon sac à dos pour faire mes devoirs. Je me souviens de tout. Je suis avec toi. Il y a encore Patrick. On est en groupe. Allez, j'ai oublié mon sac à dos, je reviens, bougez pas. Je vais chercher mon sac à dos. Ok, donc tu reviens et tu ouvres la portière de la voiture. Tu t'attrapes le sac. Tu vois que sur la banquette d'avant, en fait, enfin sur les sièges avant, tu vois Patrick qui est un peu étalé et qui est en train de lécher les miettes de viennoiserie et de bonbons qui traînent sur le siège. Mais Patrick, si t'en voulais, fallait demander, on pouvait t'en filer, nous. Te regarde d'un air un peu coupable. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai oublié mon sac. Ouais, bon, bah vas-y, prends-le, file. Mais tu sais que des fraises, il en reste ? Faut juste prendre le paquet à Grégoire avant qu'il bouffe tout, là. Alors non, justement, il en reste plus. Ah, il en reste plus. Bon, bah c'est à cause de Grégoire, je suis désolé, Patrick. Bon, bah je te laisse, hein, t'as l'air occupé, là. Allez, bisous, hein. Quelle poucave ! Ok. Quel fouteur de merde ! Ah non, mais je te jure. Quelle petite poucave ! Donc, vous vaquez un peu vos occupations, du coup, vous avez un petit peu plus de temps que prévu. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Vous avez toujours votre cours, entre guillemets, avec Marc un peu plus tard, mais du coup, bah, vu que vous avez fini l'école un peu plus tôt, vous avez un petit peu de temps. Je vais voir... J'irais bien voir maman. Bah ouais, clairement. Pour lui demander... Pour lui expliquer, lui demander, ouais. Voilà. Vous y allez tous, du coup ? Oui. Ouais, ok. Ouais. On sera plus fort. On sera plus fort à 4. Oui, vaut mieux en groupe. Donc elle vous attend. Enfin, elle vous attend. Elle est dans un salon en train de boire un thé et de lire un livre. Pas content. Ah, mes enfants, ça va ? Non, il faut qu'on aille au commissariat. Elle penche la tête sur le côté en vous regardant d'un air désolé. Ça va bien depuis ce matin ? Pas du tout. Il faut qu'on aille au commissariat. Pourquoi ? Parce que notre ami Sam a disparu et que vu ce qui nous est arrivé ce matin, il faut qu'on dise tout à la police histoire qu'il puisse trouver le coupable. Voilà. Comme il a dit. Vous savez que j'aime bien qu'on règle nos problèmes nous-mêmes. Mais c'est pas nos problèmes, là. C'est les problèmes de Sam aussi, maintenant. Et de Archie, qui bon, probablement lié. De Archie, oui. C'est vrai, tu as raison. Que l'un de vous fasse un jet de dominance ? C'est quel plus qui... C'est Oedipe, je pense, qui va le faire. Moche dominance, pas des masses. C'est un peu lui qui a... On peut l'aider ? Enfin, je sais pas, le fait qu'on soit tous ensemble, ça ne l'aide pas. Oh, mais il fait de succès. Si on bombe le torse. Bravo ! Marche. Bravo, Oedipe. Quelle puissance. Oh, il est chaud, il est chaud. Quelle dominance. Bien. Elle fait claquer son livre. Oula, la musique est grave, là. Non, c'est la musique de la maison. C'est le thème de la maison. La maison arrive. Il y a des haut-parleurs en boucle qui diffusent la musique dans la maison. Pas un vrai orchestre, qui joue dans les couloirs. Ah ouais, mieux. Elle réfléchit un peu, se lève, s'approche de vous. Les enfants, vous avez bien grandi. Ces odeurs d'épices vous chatouillent les narines. Bien, vous avez peut-être raison après tout. Nous irons tous. Patrick l'a vu, me semble-t-il, n'est-ce pas ? Oui, il est venu le frapper quand il a essayé de m'attraper. Bien. Nous irons tous demain matin, à la première heure. Merci, maman. Merci. Mais si on est l'après-midi, là, on peut y aller quand même. Tu sais, ils finissent pas à 13h30, hein, les... Elle te lance un regard. Les gendarmes. Nos hommes en bleu, non ? D'accord. Elle te lance un regard et tu te tais immédiatement. Ouais. Et pourtant, c'est pas facile. Allez, vous avez le temps de jouer un peu avant votre leçon avec Marc. Comment va Catherine ? Parfois mieux. Elle n'a plus de délire, en tout cas. Vous pouvez aller la voir, mais pas plus de quelques minutes. Eh ben, on va aller voir Catherine. Bah go, ouais. Eh ben, allons-y. Donc, vous repartez. Donc, vous allez voir Catherine, qui à peu près la même scène que... À peu près la même scène que la veille. Elle arrive à vous reconnaître. Très fatiguée et sombre assez vite de nouveau dans l'inconscience. Ou du moins dans un sommeil réparateur, peut-être. Moi, je lui dis juste, Catherine, il faut se remettre, hein, parce que la pommade que nous prépare Oedipe et Grégoire, elle fait des trucs bizarres. Ouais, elle est chelou. Il faut faire quelque chose. Au moment où tu lui dis ça, tu vois ses yeux qui papillonnent et elle s'endort. Ah bah super. Ah bah, bravo Lucien, quoi. Tu l'as endormi, quoi. Elle s'est tellement ennuyée qu'elle s'est endormie. Ah non. On savait que tu étais relou, mais à ce point-là, c'est quand même une première. Hein. Ça s'est endormi en sursaut, c'est quand même pas tous les jours. Un peu plus tard, Deep, tu passes devant la cuisine, et tu t'entends un bruit un peu bizarre, tu passes la tête, tu vois Emilio qui est avachi dans une chaise, qui mange une espèce de pâté qu'il a directement dans la main et boit même une bouteille de vin. Tu vois Lucie, la gouvernante, qui est à ses côtés, qui tourne autour et qui un grand sourire aux lèvres et qui l'insulte, le traite de pervers, de dégoûtant et lui donne des petites claques ou des plus grosses claques. Et lui semble rire et obéit à quelques ordres qu'elle lui donne. Ok, alors je vais... Évidemment, la première fois que tu vois ça. Bien sûr, et ben, du coup, je vais me retirer tout doucement, je vais contourner le couloir et je vais aller... Tranquillement un peu plus loin. Ok. Et je tombe sur les frangins, je leur raconte. Ah, tu les cherches encore pour l'instant. L'heure de votre leçon approche. Greg, toi, tu repasses pas loin de la chambre de Catherine. Tu entends une voix qui susurre. Est-ce que tu te rapproches ? Bah ouais, je vais essayer d'écouter discrètement quand même. J'ai besoin que tu te réveilles. Sans toi, c'est plus compliqué. Je ne veux pas encore employer les grands moyens. Je dois rester forte pour les enfants. Et la voix de qui ? Tu reconnais la voix de ta mère. Ok, bon. Et c'est enfin l'heure de votre leçon. Vous rejoignez un Marc plus bourru que jamais, qui semble vraiment pas avoir la tête du tout à s'occuper de vous, et vous envoie dans la forêt. Allez me chercher 5 feuilles différentes. Vous sentez l'excuse un peu bidon pour se débarrasser de vous et vous faire courir... Quelques minutes ou quelques dizaines de minutes avant de revenir. Eh bah, s'il prend pas les choses au sérieux, moi non plus, hein, je vais aller chercher 5 feuilles de papier, ça va pas traîner. Il a quand même demandé 5 feuilles différentes d'arbres. Mais bon, tu peux revenir avec 5 feuilles de papier. Bah oui. Pendant qu'on... Et les gars, j'ai fait un truc hyper chelou dans la cuisine. T'as vu quoi ? J'ai vu Emilio, il bouffait comme un porc, là, et qui se faisait tourner autour par Lucie, et qui lui criait dessus, enfin c'était... Qui lui donnait des petites claques et tout, là. Ah, dégueulasse ! Je sais pas, non. Elle avait un peu ouvert son chemisier d'ailleurs, son on pourrait laisser apparaître son soutien-gorge en dessous. Ouais. Donc c'est chelou quand même. Ouais. Bah, moi tout à l'heure j'ai vu Patrick lécher nos miettes de viennoiserie et de fraise tagada dans la voiture. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à être un peu patraque en ce moment là. Ouais, moi j'ai entendu maman. Ils ont pas l'air d'aller fort. C'est le sens de la formule. Patraque. J'ai entendu maman chuchoter des trucs à Cathy. Non, c'est pas Cathy. Catherine. Chuchoter à Catherine. Ouais, comme quoi il fallait qu'elle se réveille parce qu'elle voulait pas employer les grands moyens et parce qu'elle devait rester forte pour nous. C'était une chelou, j'ai rien compris. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Bart, ton médicament là, tu l'as pas mis dans les plats ou un truc dans le genre? Ça serait une explication, mais non, je t'assure que non. Non, bon. Personne n'a bouffé la pommade. Ben, c'est ça. Il y a un moment, j'ai l'impression qu'il y a tout qui vrille, là, en ce moment, où c'est moi. C'est chelou, là. Je me demande si c'est pas des effets secondaires de la pommade, quand même. Là. Ça commence à être un peu... Ouais. Peut-être nous qui commençons à être un peu... Non, ça a commencé quand Catherine est... Ouais, Catherine, elle s'est fait agresser dans la forêt. Est-ce que Catherine soignait les autres aussi? Enfin, pas que tu saches, non. Non, c'est quand même bizarre. Tout le monde commence à avoir des réactions un peu bizarres, effectivement. Attends, si besoin, il y a notre pommade à nous. Attends, c'est même composition, hein. Attention. Donc vous avez ramassé vos 5 feuilles. Hein. Vous pouvez revenir si vous le souhaitez. On est trop fort. Ouais. Bon, c'était plutôt la balade, là, du coup. Hein. On revient, mais on continue à causer un peu. Parce que... Tu m'as causé un petit peu, c'est quand même super étrange. On a croisé Monique depuis le début, puisque là, on a eu une interaction avec tout le monde, sauf avec Monique. Vous avez pu l'apercevoir, oui. D'accord, non, mais elle est là en tout cas. Okay. Oui, elle est dans la maison. Non, parce qu'on en est au stade où les gens disparaissent, donc je. Oui, je. Ils disparaissent pas, c'est vrai qu'ils font des choses bizarres, alors du coup. C'est ça. Mais ils ont... Oui, il y a un truc dans l'air, c'est forcé. Hein. Peut-être une fuite de gaz, en fait. Peut-être pour ça que tout le monde fait des trucs bizarres. Peut-être le monoxyde de carbone. Ouais. Ou alors, je rêve et vous êtes tous dans mon rêve. C'est ça, ouais. Je le pince. Oui, alors ça m'étonnerait parce que si c'était le cas, vous seriez dans mon rêve, ok? Je le pince aussi. Lance une toupie pour voir. Je pince tous les deux. Bah, on rapporte les feuilles. Hein, ouais. Ouais. Donc vous rapportez les feuilles. Hein, ils vous grognent. Hein, oui, ok, c'est bon. En jetant à peine un regard. Et donc vous retournez dans la maison pour prendre vos douches. Et alors que vous passez devant la chambre de Monique, justement, la porte de la chambre est ouverte. Et vous entendez un « Ah, vous êtes de retour, justement, j'avais besoin de vous ». Donc vous tournez la tête, vous voyez Monique sur son lit, en porte-jartelle, sans culotte, sans soutien-gorge, qui empoigne ses seins d'une manière assez provocante et qui vous dit bah, « Venez les garçons, on va s'amuser ». Oh putain. Bon, il y a vraiment un truc dans l'air, là, c'est pas possible. Là je me barre, je me dis « Ok, il y a un truc dans la maison qui va pas, je repars sur le palier ou dehors ». On reviendra Monique, je ferme la porte. Alors moi je... Mais venez. Moi je profite du temps où la porte est ouverte et après je rougis jusqu'aux oreilles. Peut-être même au-delà. Sûrement au-delà même. Moi je vais chercher notre maman. C'est peut-être temps d'aller dire à maman que ça a plus du tout là. Faut qu'elle... Donc Barthélemy, tu vas voir Héloïse. Greg, tu te retrouves dans le hall ou sur le palier, c'est ça? Oui. Oedipe, que faites-vous? Moi, je vais avec Grégoire sur le palier. Oui, mais je trouve que c'est une bonne idée d'aller avec Grégoire aussi. Ok. Parce que il fait chaud, là. Donc, Barthélemy, tu vois, tu retrouves Héloïse. Elle te regarde, te renfroigne un petit peu. Tu as pris ta douche? Non, mais attends deux secondes avant la douche, parce qu'il y a un... faut peut-être faire réviser les chaudières, là, parce que ça, tout le monde fait des trucs bizarres depuis qu'on a perdu Catherine, là, c'est quand même incroyable. T'as Monique à poil sur le lit qui nous demande à tous... À poil, je ne t'ai pas éduqué comme ça, Barthélemy, j'aimerais que tu... Utilise un vocabulaire qui te sied. Très bien, dans son plus simple appareil. Bien fait, Barthélemy. Oui, mais si elle pouvait utiliser un accoutrement qui lui sied, ça serait pas mal aussi. Patrick, il lèche nos miettes de fraise tagada sur les sièges. Et puis t'as Lucie et... Emilio. Emilio qui poussent leur délire BDSM en plein dans la cuisine. Donc, faut peut-être resserrer un peu la vis ou vérifier qu'il n'y a rien de chelou dans l'air là. Elle se dresse. Effectivement, tu la vois un petit peu en colère, hein, parce que tu n'as pas trop l'habitude de la voir comme ça. Donc, elle se dresse, elle te regarde, elle dit toi et tes frères, vous allez prendre vos douches, je m'occupe de ça. Très bien. Ok. Et donc, elle marche d'un pas assuré vers le couloir. Il y a quatre douches Oui, enfin, en tout cas, il y a de quoi vous relayer au moins deux douches pour que, bah, oui, effectivement, vous puissiez rapidement, à la suite, prendre vos douches. Froide la douche. C'est ce que vous faites, du coup? Froide les douches. Oui, oui. Ouais, froide. Du coup, vous entendez effectivement Héloïse qui hausse le ton. Alors, vous n'entendez pas forcément ce qui se dit, mais elle semble parcourir la plupart des pièces de la maison et hausser le ton, donner quelques ordres, quelques consignes. Vous sortez de vos douches, il est temps de faire certainement vos devoirs, même si nous sommes vendredi soir, donc veille de week-end. Oui, mais comme ça, on sera tranquille le week-end. Peut-être voulez-vous faire autre chose que vos devoirs. Bah non, c'est cool les devoirs. Okay. Non. Et on plonge dans un minimum de normalité. Vous n'aimez pas faire votre devoir, hein ? Moi, je réfléchis à la dernière fois que j'ai vu Sam, s'il ne m'a pas dit un truc. Alors, la toute dernière fois, non. C'était le jeudi, mais quelques jours avant, il t'avait parlé effectivement de quelqu'un qui ressemblait à l'individu qui a grippé Lucien. Mais il t'en avait parlé quelques jours avant. Ah ouais, d'accord. Dernièrement, quand tu l'avais vu, non. Rien de particulier. Les odeurs de cuisine commencent à vous chatouiller les narines puisque l'heure du repas approche. Ce sont des odeurs qui semblent un peu moins savoureuses que d'habitude, sans être dégoûtantes. Il semble que l'heure de passer à table approche. Alors, on va y aller. On a fini les devoirs ? Probablement pas, mais c'est le week-end. Il y a encore un peu de temps. Donc, je range la feuille de, enfin, mon cartable dans un coin, aléatoirement. Comme le reste de la chambre est rangé à peu près, aléatoirement. D'accord. Très bien. Donc vous descendez, vous arrivez à table et vous constatez que tout le monde est là sauf Patrick. Vous constatez aussi que tout le monde se tient assez droit et lance des regards en coin à Héloïse qui semble surveiller tout le monde. Monique est prête à servir le repas. Héloïse vous voit arriver. Ah, les enfants. Bon, vous voyez qu'elle est en train de taper un peu des doigts sur la table. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Allez me chercher Patrick, les enfants. Et puis vous irez vous laver les mains avant de revenir passer à table. Oui, mais... Ok, on y va. C'est facile pour trouver Patrick, il faut juste faire tomber des miettes de fraises tagada à un endroit, et puis généralement, ça le fait venir. Un sort d'invocation de Patrick. Tu fais un pentacle en fraises tagada. En fraises tagada. En fraises tagada. Et ça, c'est chouette. Eh bien, on se dirige vers le garage, enfin vers la voiture. Mais je sais pas. Bah, en général, il est où ? Il est dans le. Il est où d'habitude quand le soir ? Bon, ça dépend. Il peut se trouver effectivement au garage. Il peut se trouver dans sa chambre. Il peut se trouver. Le plus proche, le plus proche ou plus loin. Donc, j'imagine la chambre ou le garage. Bah, vous allez dans le garage. Vous voyez effectivement la voiture qui semble particulièrement nickel à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a des traces de langue aussi sur la carrosserie. Alors non, pas à l'extérieur, non. Quand même pas. Qu'est-ce qu'il est dans sa chambre ? Donc il est effectivement pas là, donc vous retournez à l'intérieur, et vous vous approchez de la chambre, vous voyez que sa porte est légèrement entrouverte. Okay. On frappe doucement à la porte. La porte s'ouvre tout doucement, et vous voyez Patrick assis sur son lit, qui est déjà en train de manger en fait. Il tient un bras dans la main, ouais. Et vous reconnaissez quelques morceaux épars de Sam autour de lui. Oh putain. Sa mère. Ben oui. Patrick, c'est poisson le vendredi normalement. Patrick, il vous revoit. Mais qu'est-ce que... J'empoigne une chaise et je lui écrase ça sur le crâne. Donc tu brandis une chaise, vas-y fais un jet de corps s'il te plaît. Vivacité. Ouais. Moi je vais chercher Loïs parce qu'on a aucune chance. Protecteur et prédateur, ça marche pas ? Ça peut te filer des bonus, je sais plus. Je suis dû te les donner normalement. Non. Je vous ai donné vos bonus normalement avec ces... Si, si, ouais. Ah oui, plus 1d6 en vigilance et plus 1d6 pour le pistage. Okay. Tout à fait. Donc, c'est quoi ? Oui, bah, par contre, t'as gagné 1 de dominance et 1 de corps. Donc, prédateur, t'as donné 1 de dominance en plus et protecteur, t'as donné 1 de corps en plus. Mais ça, c'est permanent. Hein. Faut les... Ah d'accord, ok. Normalement, ça doit être noté, je pense, sur la fiche. Parce que je suis à 5 en corps. Donc... Ok, parfait. Donc, je l'agresse en criant « Salaud !» Vas-y, je t'en prie. Tu vas lancer 6 dés. Pourquoi 6 dés? Ah merde, la vivacité, c'est pas un dé en plus. Non, c'est moins 1 à la difficulté. Ah, désolé. Je relance? Ouais, vas-y, relance. T'es con. Ah oui. Ouais, c'est moins bien. Mais... Il attrape la chaise que tu lances dessus. Enfin, que tu frappes avec ou tu lances la chaise? Ah non, je frappe avec. Donc il l'attrape et l'écrase entre ses doigts. La chaise explose entre sa main. Il se lève, il exude d'une colère manifestement incontrôlable, ce qui vous colle des miquettes incroyables, et se rapproche de vous. Tu m'étonnes. D'instinct, immédiatement, vous tournez les talons et vous mettez à courir. Et il vous pourchasse dans la maison, il percute la porte qui jaillit des gonds et percute le mur en face en explosant en copeaux de bois. Il court étonnamment vite et semble doué d'une force incroyable. C'est une locomotive, le mec, c'est pas... Combien avez-vous en prégnance, tous, s'il vous plaît? Barthélémy, dis-moi. 3. Ok. Oedipe? 3. Eh bien. Lucien? Mais moi, j'ai 4. C'est bizarre, non? Je vois. Non, parce que vous avez pu gagner des points. Non, c'est pas forcément bizarre. Et Grégoire? 2. Ok. Donc, vous gagnez tous un point de prégnance. Quand vous reprenez un peu conscience de vos actes, vous êtes à l'orée de la forêt. Ah, on ne pouvait pas aller courir vers la cuisine. On ne pouvait pas être intelligent. Ah ouais, et toujours Marc Autrousse. Patrick. Patrick. Oui, Patrick. Avec, manifestement, Patrick Autrousse. En tout cas, c'est là que vos pas vous ont guidé. Et donc, effectivement, vous voyez Patrick derrière vous qui court toujours. Les odeurs de la forêt vous assaillent et vous entendez derrière Patrick qui vous poursuit et qui appelle « Emilio, Marc, rejoignez-moi !» Oui, je crie aussi. Oh, je crie aussi pour appeler. Je suis en pleurs, je suis en colère. Je dis aux autres, je me barre, ils sont tous fous, ils ont bouffé Sam. Et je repars en courant dans la forêt. Vous courez tous dans la forêt, en fait. Vous vous regroupez tous autour d'Oedipe, par instinct. Et Oedipe, tu les regardes et tu places immédiatement tout le monde autour de toi. Explique-moi qui se trouve où autour de toi. C'est bien, ils se protègent au milieu, père. Ou pas d'ailleurs, enfin, quand je dis autour de toi, ça peut être tous devant, toi derrière, enfin, je m'en fiche, enfin, c'est juste explique-moi comment vous êtes placé. Il y aura Grégoire à ma droite, Barthélémy à ma gauche et Lucien juste derrière mon épaule droite. Okay. Et moi je suis entre les deux. Donc vous entendez effectivement des cris derrière vous. Patrick a manifestement été rejoint, vous n'êtes pas sûr de savoir par qui, mais vous entendez plusieurs bruits de course derrière vous. Un gros caillou par terre. Tu n'as pas cet instinct-là. En tout cas, on arrive pour l'instant à maintenir la distance, et bravo nous. Bon, vous arrivez à effectivement maintenir la distance pour l'instant. On doit courir sacrément vite. Alors, nous allons constituer votre lien. Donc c'est une poule de points qui est constituée de un point par lien que vous avez, chacun d'entre vous. Donc vous êtes 4, c'est-à-dire que vous avez chacun 3 liens les uns avec les autres. Donc ce qui nous fait 12 points. Nous avons donc un pool de 12 points. Je vais noter ça quelque part. Donc un pool de 12 points dans lequel vous pouvez piocher. Comment ça fonctionne? Vous avez possibilité de prendre dedans pour jeter plus de dés. Donc dès que vous piochez dedans, à commencer par Oedipe, et ensuite par ordre de dominance, vous pouvez, au début d'un tour de jeu, vous pouvez prendre dedans pour dire que vous allez du coup jeter plus de dés. Ok. Et la contrepartie? Il n'y a pas de contrepartie. C'est juste que vous avez 12 points. Donc quand tu arrives à 0, ben, voilà. Il n'y en a plus. Donc bon, votre course maintenant est contrôlée. Toute peur vous a fui. Vous vous rendez compte, en fait, au bout de quelques minutes que vous faites tourner Patrick, rejoint probablement par Emilio et Marc, en cercle dans la forêt, que vous connaissez bien mieux qu'eux. Aucun de vous n'est blessé? Non. Non, personne n'a pris de blessure. Vous commencez à sentir une odeur de peur chez votre proie, car oui, vous êtes devenus les prédateurs. Vous vous rendez d'ailleurs compte que... Enfin, on va faire un jet de pistage. Tombe bien. Oedipe, qui fait ce jet de pistage? Vous pouvez discuter, hein. Enfin, vous pouvez... Alors, je crois que Grégoire et moi, on a plus un D6. J'ai un bonus d'un dé, ouais. Ok. Après, ça dépend de la caractéristique associée, parce que si c'est de l'esprit, c'est pas pour moi. Non, et ça va avec. C'est de l'esprit, ouais. Bah, moi, j'ai 5 en esprit. Ah, donc, Barthélémy. Bah, go. Donc, 6D6. Bah, voilà. Pas mal, 4 succès. Donc tu, Oedipe, grâce aux indications non-verbales de Barthélémy, tu arrives à guider le groupe. Vous vous rendez compte donc que Patrick, Marc et Emilio cherchent en fait à retrouver la sortie de la forêt. Il fait nuit et vous arrivez à les faire tourner tourner en bourrique et les amener au cœur de la forêt. Vous vous rapprochez d'eux, en fait, et vous commencez à les harceler. Et vous commencez à gronder et hurler vers eux pour leur faire peur. Vous sentez une présence, la présence qui vous avez contactée dans vos rêves, qui se trouve juste derrière vos têtes, en fait. Comme si, dans un coin de votre esprit, cette présence s'agrippait à vous. Des griffes se posaient directement sur votre cerveau, prêt à jaillir. Patrick, Marc et Emilio sont acculés à bout de souffle dans un espèce de cul-de-sac à flanc d'un gros rocher qui affleure du sol avec une rivière d'un autre côté. Et ils vous attendent le souffle court. Patrick, Marc, lui, tient un espèce de couteau de chasse dans la main. Patrick, lui, il vous semble encore plus bouffi que d'habitude. Des dents, une mâchoire énorme et d'énormes dents proéminente qui entoure sa bouche. Emilio, lui, a des pattes de chèvre et des petites cornes sur la tête. Vous vous rapprochez d'eux en pack et c'est là que, d'un coup, vous vous transformez tous en loups. Alors que la présence que vous sentiez dans votre esprit bondit en avant et prend place. Ce que je vais vous demander, c'est que toutes les impressions que vous avez eues sur la présence jusqu'à maintenant rejaillissent, et vous allez devoir me donner un nom, enfin vous allez devoir tous prendre un nom de loup, choisir un nom pour votre loup. C'est un nom qui doit avoir une signification dans le sens où il peut être utilisé du coup pour vous aider sur vos jets. Donc ça peut être, je peux vous donner des exemples, ça peut être cœur de meute, marche avec les ombres, croc ardent, œil de nuit, voilà, des noms comme ça qui peuvent, d'endure, qui peuvent indiquer un peu ce que peut faire votre loup. Bon, moi, j'aime bien œil de nuit. Je t'en prie. Ouais, croix ardent, ça me va bien. Après, vous pouvez inventer vos propres noms. Hein, mais... Ouais, ouais. Non, mais... Au pire, on pourra en changer plus tard, hein, si vous n'avez pas trop d'inspiration, effectivement. C'est pas très grave. Oedipe, Lucien, des idées? Je ne sais pas, là, comme ça. Non. Isha, ça veut dire protecteur. Ok. On peut savoir en quelle langue c'est l'instant culture. C'est un truc que j'ai inventé. Ah, merde, putain. C'est un truc indien. En loup. Que c'est de l'algonquin ou quelque chose comme ça. En tout cas, tous vous tournez vers Oedipe pour savoir quand attaquer. Tout à fait. Et donc, nous... Eh ben, oui, vas-y, pardon. Oui, vas-y, continue. Parce qu'il y a peut-être... J'allais juste dire, vous pouvez maintenant, en commençant par Oedipe, piocher dans le lien de meute pour lancer plus de dés, si vous le souhaitez. Et donc, Marc, il n'a pas de trait pas humain ? Non. D'accord. Il a un couteau. Il a des traits humains. Il n'a pas de traits non humains, si c'est plus clair. Eh bien, j'attends de trouver le moment où ils vont être un peu... Enfin, je vais profiter de leur choc, j'imagine. Ils sont aussi choqués que nous. Sans doute pas aussi choqués que vous. Mais choqué. J'y attendais. Et quand même, on profite de la surprise. Même petite surprise, c'est toujours bien. Et on attaque. Ok. Attaque deux de front et deux sur les flancs. Ouais, même passer derrière le rocher, monter sur le rocher, leur tomber dessus. Alors, de base, en tant que loup, vous infligez 2 de dégâts. Néanmoins, il me semble que Grégoire. Non, Grégoire, il a vivacité, pardon. Donc, c'est pas ça. Il me semblait qu'il y en avait un qui faisait plus de dégâts, mais non, en fait. En fait, non. Si par contre, est-ce qu'il y en a qui ont 1, 2, 3, 4, ceux qui ont 4 ou plus en prégnance font plus 1 de dégâts. Oh, okay. La prégnance, c'est un truc qui peut diminuer ou pas? Oui. D'accord. Donc ça sert à rien que je marque plus 1 de dégâts sur ma feuille. Ça sert à rien, non. Moi, ce que je vous propose, c'est ça. On les prend en tenaille avec un marteau au milieu. Tu ne proposes pas, tu ordonnes. Tu es le chef de meute. D'accord. Tout à fait. Tu es l'alpha. Donc Lucien et moi au centre, Grégoire et Barthélémy sur les côtés. Ok. Donc il y a Patrick au centre, Emilio à sa droite et Marc à sa gauche. Oedipe, tu peux piocher dans le lien de meute si tu le souhaites. Ça sera un test de corps. Ça sera un test de corps pour le corps à corps, tout à fait. Sachant que du fait d'être des loups, vous avez... Alors ceux qui ont vivacité, du coup, auront moins 1 à leur jet. À leur seuil. À leur seuil, pardon, oui. Enfin, oui, le seuil passe à 4+, du moins. Mm. Et voilà, vous ne pouvez pas utiliser de vécu. Vous ne pouvez pas utiliser non plus de mémoire de meute. Mémoire, c'est la Seconde Guerre mondiale, quoi. Exactement. Ah. Mm. Tout à fait. Bon, je prends 2 points et je taque. Et... si vous avez effectivement, en cas de morsure, vous avez votre seuil est diminué de 1 si vous utilisez la morsure. Alors, allez-y. D'accord. Okay. Alors, donc tu prends combien, pardon ? En 2. T'en prends 2. Très bien. Ensuite, c'est qui le plus dominant? Pour me passer à 5. Après. C'est égalité après. Hop, c'est égalité. On est à 4 avec. Avec qui? Deep, je crois, non? Oui, 4. D'accord. Bah donc, t'as pas d'égalité. C'est... Ensuite, c'est toi donc. Ah, bah du. Si, ils ont tous les deux 4. Oui, mais on s'en fout. Deep, c'est l'alpha. Donc, c'est lui qui passe en premier, forcément. Ok, mais du coup, c'est Lucien, puisqu'il a 5. Lucien, t'as 5 en dominance? Mais t'as l'air. Non, j'ai 2 moi. Ah non, pardon, je pensais qu'on comptait sur la prégnance. Ok, tout va bien. Non, non, on compte sur la dominance. Alors, qui? Combien Lucien, t'as. Donc toi, t'as 3, d'accord? Lucien, t'as combien? Ouais, moi j'ai 3 en dominance. 2, ouais. Moi j'ai 3. Et Grégoire? Ok, donc Barthélémy, Grégoire. Qui a le plus encore? C'est Grégoire. Donc Grégoire, combien tu prends de. Ouais, ça va bien qu'il y avait une ligne. 2 dés de. Ça peut être 0, hein, je précise. J'en prends pas. T'en prends pas. Barthélémy? Moi j'en prends 2 parce que j'ai que 2 encore. Donc désolé, mais. T'en prends 2, très bien. Et enfin, mon ami Lucien. Bah, je vais en prendre un pour le corps. Ah, ok, il vous reste donc 7. Voilà, maintenant qui du coup attaque en premier? Apparemment, c'est... Voilà. J'y vais. T'y vas. T'as, ton seuil est à combien? Je mors. Donc t'es à 4 plus? Voilà, 2 succès. Donc 2 succès. Toi, tu mords sur qui? Sur Patrick, du coup, c'est ça? Celui qu'au milieu, oui, Patrick. Eh bien, Patrick te repousse. Ce n'est pas suffisant. Patrick t'attendait de pied ferme. Tu n'as pas réussi à passer sa défense. Ouais, mais j'ai ouvert la voie pour la deuxième vague. Et Lucien, la deuxième vague. Il te colle 2 dégâts. Just a flesh wound. On a une barre de vie? Comment on sait? On ne sait pas, d'accord. Mais je nous dira. Je vais vous le dire. Ah, les 2 points de vie. C'est con. Ouais, c'est ça. Oh, oh merde. Ok, donc tu prends effectivement 2 blessures, tu es à blessure légère. Du coup, tu as moins 1d6 à toute action physique. Pour tout vous dire, ensuite c'est blessure grave, ensuite c'est inconscience, et ensuite c'est la mort. Ensuite, qui attaque? J'y vais. Je suis sur les côtés, donc c'est Marc, celui au couteau. N'oubliez pas aussi que vous pouvez... attends, est-ce que vous pouvez d'ailleurs? Pardon, est-ce que vous pouvez utiliser les... Ah, c'est ça qui est un peu compliqué entre l'humain et le loup. Les relations... Non, vous ne pouvez pas utiliser les relations, puisque ce n'est plus vous, l'humain, qui êtes aux commandes, mais c'est vraiment le loup. C'est un autre esprit, hein. Vous êtes carrément un autre individu. Donc je t'en prie, pardon, tu peux faire ton attaque. Donc toi, tu attaques qui, toi? Tu es sur le côté donc... C'est Marc qui avait un couteau, c'était vu que j'étais sur le côté. Il y a Marc qui avait un couteau, tout à fait. Ok, putain. C'est quoi, 2 succès? Ouais, parce que ouais. Ok, donc bah, explique-moi, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais ce que tu veux, en tout cas. J'essaie de le mordre à la gorge. Ok, et bah tu lui arraches la gorge. Ok. Il meurt en quelques secondes. Ensuite, Lucien Barthélémy. Oui, bah pourquoi pas. Alors, j'avais déjà lancé tout à l'heure. Ah. J'ai lancé trop tôt, non, mais c'est pas grave. J'ai pas vu. Bah, vas-y, non, ça fait combien? J'ai fait 13, 5, 2, 1, 5. D'accord, donc bah, t'as fait 2 succès, quoi. Oui, c'est ça. 2 succès, et tu fais. Une morsure, tu fais plus 1 dégât. Plus 1 dégât, donc tu fais 2 dégâts, normal, quoi. Non, t'as 4 en prégnance aussi ou pas? Ouais, donc tu fais 3 dégâts. Et 3 dégâts, oui. Eh bien, tu l'attaques, tu lui défonces. Alors, il est pas mort, hein, il est pas ni inconscient, mais il est vraiment très blessé. Tu lui arraches un beau morceau de bras, peut-être, partie de son bras, quoi. Partie de la chair, en tout cas. Oui, tout à fait. Il pisse le sang et essaie de donner un coup, mais n'y arrive pas. Lucien, Patrick est devant toi. Donc, moi, j'essaie de. Donc, il a repoussé Deep avec son bras. Tout à fait. Et moi, j'essaie de le mordre sous le bras, en fait. Et tu lui fais une André. T'es trop en feu. Pourquoi t'as lancé 2 fois, là? Il y a deux lancers, là. Parce qu'en fait, j'avais pas vu que j'avais lancé une première fois. Ok, c'est un bel échec, le premier, on est d'accord. Tout à fait. Eh ben, tu te prends une belle tarte aussi, hein. Attends, Lucien, ta vivacité? Vivacité, ouais. Vivacité, tu mords, donc ton seuil est diminué de 2, donc il est à 3, donc t'as une réussite. 3. Un succès, ce n'est pas suffisant contre un tel adversaire. Mais ce n'est pas un échec. Ce n'est pas tout à fait un échec, mais néanmoins, tu te prends quand même une belle tarte, et tu prends 2 points de dégâts également, tu te retrouves également à blessure légère. Avec donc un des 6 de malus sur les actions de corps. T'avais fait combien toi, Oedipe, de succès? J'avais fait 2 succès aussi. Ouais. T'en avais fait 2? 2 succès? Ah, pardon. Toi, c'est un peu différent parce qu'en fait, quand vous êtes 2 attaqués, du coup, ça vous demande un succès de moins. Donc en fait, tu as réussi à frapper toi. Pardon. Donc tu n'es pas blessé et tu as réussi à lui agripper le bras. Alors du coup, Lucien a voulu passer par en dessous, mais s'est pris le grand coup de latte. Le bras droit dans la gueule, quoi. Donc toi, tu fais combien de dommages, Oedipe? Combien de dégâts? 3. Tu fais 3. D'accord. Tu sens sa peau épaisse, néanmoins, sa peau sent vraiment très épaisse. Tu as du mal à la percer de tes crocs, néanmoins, tu arrives quand même à le faire et à lui infliger quelques dommages. Et son visage se tord de douleur, mais tu sens une grande puissance. Il agite son bras pour te faire lâcher ce que tu fais au bout de quelques secondes. C'est un nouveau round. Il vous reste 7 points de lien de meute. Ces points-là, vous pouvez également les utiliser pour vous soigner. Ah, c'est réglé déjà. Oedipe, est-ce que tu prends des dés? Vous aviez bien acheté les dés supplémentaires d'ailleurs que vous aviez pris Tout à fait, oui. J'ai pas vérifié. Oui, oui. J'ai pris un dé de plus. Ok. Est-ce que j'en prendrais pas un ou deux, histoire, vu que moi j'ai un seuil à 3 et que j'ai de base 5 encore, donc pour essayer de maximiser, vu qu'il a l'air d'être dur à toucher. En tout cas, toi, le terrain est dégagé, même si ouais. Emilio est encore debout. Et il est tout seul, on est 4, il est un peu blessé. Je veux dire, on fait c'est une attaque combinée, il aura... Ah, là, vous allez être à 3 dessus, effectivement, ça va être beaucoup plus facile de le choper. Pourquoi pas à 4 dessus? Ah, parce que Emilio est pas mort encore. Parce que toi, il te reste Emilio, à moins que vous souhaitiez changer de tactique, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais... Ouais, tout à fait. Il faut que tu finisses de machonner Emilio. Non, très bien. Il est plus bon à rien là. Ah, il est encore debout, si. Il est plus bon à grand chose, mais il est encore debout. Ah. On va peut-être le laisser vivant, non? Pour lui soutenir des trucs. Du coup, Oedipe, est-ce que tu prends des points de lien de meute? Déjà, qui se soigne? Il y a juste Malo qui est blessé, juste Lucien. Bah déjà, c'est fait. J'en prends un. Ok, il reste 6. Grégoire? Moi, je vais en prendre un. Ouais. Un seul? Ouais. Ok. Ça me fera 6 dés, c'est déjà pas mal. Ensuite, c'était qui? C'était Barthélémy. Est-ce que moi, je peux lancer une communication non-verbale avec Eddie pour l'interroger sur est-ce qu'on massacre tout le monde ou est-ce qu'on essaie d'en garder au moins un en vie pour le questionner? Genre, tu vois, je le regarde pensif. C'est une chasse. Vous êtes en train de participer à une chasse. Lors d'une chasse, on ne garde pas, pas cette chasse-là, en tout cas. Très bien. Et ben j'attaque Emilio. Et je vais prendre... Tu prends des points. Et je vais prendre... Il reste combien là? On est à 5. Il en reste 5. Pas besoin de 2 pour te soigner. Ben, je vais prendre 2 dés dans la poule. 2 dés. Il en reste 3. Et donc Lucien? Ben non, j'en prends 2 pour me soigner. Et pas de plus pour ajouter des dés? Bah si, je vais en prendre le dernier pour... Bon si, de toute façon il y en a qu'un. Hein, donc... Vas-y. Ok, donc il en reste plus. Très bien. Eh bien Barthélémy, je propose de commencer par toi. Ce que tu viens de faire d'ailleurs. Tu as fait combien de succès du coup? J'ai lancé 2. 2. Eh bien, explique-moi ce que tu fais de notre pauvre Emilio. Bah, je lui saute à la gorge, d'une torsion du cou et des épaules, je l'arrache toute la gorge quoi. Toute la partie gorgiale quoi. Toute la partie gorgière. La partie gorgiale. La partie redondante de la gorge. Très bien. Et bien, donc le sang gicle et éclabousse partout. Tout à fait. C'est un vrai plaisir. Et donc ta proie s'écroule à tes pieds. Et enfin, nous avons Patrick, Oedipe, qui attaque en premier. On peut éventuellement essayer de tout attaquer en même temps. Ou pas, c'est envisageable. Ah, néanmoins, il va falloir faire léger. Il va falloir séparer léger. enfin, répartir les attaques. Donc, moi, j'attaque plus vers les jambes. Et par exemple, c'est Barthélémy qui pourrait attaquer plus à la gorge et Lucien. J'ai attaqué moi déjà. Non, c'est Greg. Ah, pardon, Grégoire. Grégoire qui attaquerait plus à la gorge. Ouais, les gorges, ça a l'air de réussir. Et du coup, Lucien qui pourrait attaquer vos tripes ou ce genre de choses. Enfin, répartir les. Tout à fait. Charges, voilà. Bon, ben, je l'attaque aux jambes pour le distraire et pour l'obliger à se baisser. Eh ben écoute, vas-y. J'ai peur quand même. Combien de succès? 1. Ah, alors effectivement, tu l'attaques, mais ton attaque n'est pas très efficace. Tu as du mal à... Juste qu'il se baisse. Tu as encore du mal à percer son cuir, hein. Mais néanmoins, tu y arrives un petit peu quand même. Ensuite... Ah, du coup, vu qu'il se baisse, je chope à la gorge. Eh ben écoute, vas-y. Ouf. 6 succès, rien de moins, très bien. Tu fais combien de dégâts, toi? De base, j'ai une prégnance de 3, donc ça fait que 2 dégâts, c'est ça? D'accord, ouais, tout à fait. Ok, donc pareil, tu as du mal à percer son cuir, hein, mais tu as du mal à percer la gorge, néanmoins tu sens quand même le sang qui coule un peu dans ta gorge à toi, justement. Mm-hmm. Lucien? Allez, Lucien, vas-y. Mais moi, je l'attaque au flanc, la partie... Lucien, ou devrais-je dire peau de forêt, plutôt, d'ailleurs? Ouais. Peau de forêt. Lucien est derrière. Combien de succès? 2 succès. 2 succès, c'est suffisant. Tu fais combien de dégâts? Eh bien, je fais 3 dégâts puisque j'ai 5 en prégnance. Eh bien, explique-moi comment tu les ventres, ce qui se passe. Ah, dégueulasse. Eh bien, je le mords, je le chope dans la partie, comment on va dire? Ventrière. Ventrière. Non, mais sur, vraiment sur le flanc, quoi, hein, l'endroit où je vais pouvoir mordre, parce que bon, de face, ça va être, être compliqué. Et puis, ben, j'arrache la chair à cet endroit-là. Quoi, hein. Mm-hmm. Et bien, mais tu arrives à l'éventrer, une partie de ses entrailles s'écoule sur le sol et ne bouge plus. Est-ce qu'on reconnaît des morceaux de sable? Probablement pas. C'était pas encore arrivé à cet endroit-là. Est-ce que maintenant qu'on les a chassés, on les mange, enfin, est-ce qu'on est tenté de les manger ou pas? Non, pas forcément. Ça, c'est votre choix. Non, mais moi, je pousse un vigoureux hurlement de joie. Donc, en tout cas, quel que soit le rituel que vous accomplissez à ce moment-là, de fin de chasse, votre prégnance, vos esprits loups sont rassasiés, sont rassurés, et ils se retirent. Votre prégnance retombe à zéro. Oui, d'accord. Et évidemment, par la même occasion, vos corps se retransforment assez longuement, ça vous prend quelques minutes, et vos corps se retransforment en humain. Oh, du coup, c'était loup, quadrupède et tout le tintouin, ou c'était un truc... Loups normaux, les loups tout à fait normaux. Oui, tout à fait. D'accord. C'est ce genre de loup-garou, effectivement. Vraiment à eux qui étaient bizarres. Alors, donc là, c'est un charnier, quoi. Oui, c'est pas super joli à voir, effectivement. On est à poil. Vous êtes à poil, c'est une très bonne question. Maintenant que tu me dis ça et que j'ai longuement préparé ce blind test et ce jeu, je n'en sais rien. Je dirais que oui, tu es à poil. Oui. Même si tu retrouves, enfin, vous retrouvez vos vêtements pas très loin, puisque pour le coup, vous êtes transformé juste là. Mais oui. Et pour le coup, vous êtes transformé en un éclair. Ça, c'est possible grâce au lien de meute. En prenant des points dans le lien de meute, en fait, vous pouvez. Bon, là, je vous l'ai fait gratuitement, mais normalement, c'est en ponctionnant un point dans le lien de meute que vous pouvez vous transformer en un éclair. D'accord. Et d'ailleurs, je vais également vous reconstituer le lien de meute à 12, même si normalement, il faut attendre la fin d'un scénario. Le fait que vous ayez chassé le reconstitue, en fait. D'accord. Parce que là, vous avez fait vraiment une chasse, ce qui est une mécanique dans le jeu. Bien, donc voilà, vous redressez à peu près en même temps les uns les autres autour des cadavres de Patrick, Emilio et Marc. Ils ont repris forme humaine ou ils sont toujours un peu chelous? Ils ont effectivement repris forme humaine. Est-ce qu'on les ramène à la maison? Faudra faire plusieurs voyages. Ouais, c'est ça. Oui, non mais après, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On peut ramener un morceau, quoi. Bah, il faut mieux qu'on aille voir... Même mort maintenant, hein, parce que là... Ben oui, à la rigueur, on peut ramener que les têtes, mais bon... Non, ben... Oui, on peut faire ça, mais je ne sais pas, je me le sens plus trop, là. Mais oui, voilà. On les laisse ici. Vous avez assisté un peu à ça en mode spectateur, hein. C'était assez étrange. Il a bouffé ça, moi je... Alors, vous sentez vraiment connecté avec les loups, mais ça reste assez étrange quand même, évidemment. Pardon, Grégoire, je t'en prie. Et on le laisse ici, on les laisse tous ici. Hein. Il a bouffé ça, mais je veux même pas en entendre parler de ce mec-là. Ouais, c'est pas faux. Bon, bah, allez. Ça se trouve, c'est lui qui a bouffé l'autre gamin aussi. Ah bah, probablement. Ah bah, oui. Lui ou un autre, mais ça se trouve, ça sera Emilio. Le hipster chelou, ça se trouve, il voulait juste nous protéger. Tout à fait. Bon. On rentre, hein. On rentre à la maison. Ça va pas forcément être facile d'expliquer à maman qu'on a bouffé la moitié de la domesticité, mais... Oh, bah, écoute, si l'autre moitié de la domesticité est du même calibre que la première... Je ne sais pas si les explications auront le temps d'avoir lieu. Oui, je remarque. Alors que vous approchez de la maison, vous entendez un hurlement, un cri de Dominique. Oui, voilà. Vous la voyez d'ailleurs quitter, sortir de la maison à quelques dizaines de mètres devant vous et se précipiter sur la route et s'enfuir sans se retourner. Et elle avait l'air humaine. D'accord. Vous entendez des cris à l'intérieur de la maison. Ben, on va se précipiter. Les gens qui parlent fort. Il va y aller. Bah ouais. Est-ce qu'on se précipite? Non mais est-ce qu'on n'y va pas en mode un peu furtif quand même? On y va cool, hein. C'est pas la peine de se précipiter. Finalement, ouais. Ouais, mais enfin clairement. Non mais ouais, à mon avis, il faut y aller. Moi, j'avoue que ça m'a donné hyper confiance en moi là. Ouais, pareil. Oui, justement. Enfin, je. Là, il y a trop de trucs bizarres, il y a trop de mystères. Moi, j'y vais confiant, j'avance. Puis je pense que Lucien est avec moi et on va obtenir des réponses. Faites gaffe à ne pas vous précipiter dans un piège, on ne sait pas sur quoi on va tombler. Observez d'abord, observez peut-être, renifler, j'en sais rien, essayer de ressentir quelque chose. Ça vaut peut-être pas le coup de foncer tête baissée pour se faire ramasser, quoi. Maintenant qu'on est de retour sous forme humaine, on a toujours cette... Oui. Cette comment on va dire, cette obéissance aveugle envers Oedipe, ou... Enfin, non, mais un... C'est pas une obéissance aveugle, mais néanmoins, c'est l'alpha de votre maître. Oui, mais en tant qu'humain aussi, alors. Oui. Ok, donc donc effectivement, on observe au plus près et on fait hyper gaffe en rentrant, en fait. Donc vous rentrez et Vous arrivez devant votre mère qui se tient debout sur les marches, les premières marches de l'escalier. Et face à elle, vous reconnaissez donc l'individu qui t'avait chopé par le bras, Lucien. Donc ils se font face, donc le mec vous tourne le dos, hein, pratiquement, enfin de trois quarts on va dire, fait face à Héloïse en tout cas. Tu dois relâcher les neuries, ils ne sont pas de ton sang, ils sont du mien, lui dit-il. Qu'est-ce que le sang? C'est moi qui les élève, répond-elle. C'est pour en faire tes pantins, je ne te laisserai pas faire. Et donc, vous voyez Héloïse qui prend son collier entre ses mains et comment dirais-je, le caresse, enfin la touche et le tend un peu vers Édouard, le collier lui légèrement. Vous voyez l'homme en face qui chancelle un peu, mais qui résiste. Les yeux d'Héloïse luisent d'une lueur assez, assez étrange. Finalement, il se met d'un bond à courir vers elle, se transforme en loup en un seul bond et se jette sur Héloïse. Elle fait un petit bond sur le côté, l'attrape au vol et le mord fortement au niveau du cou. Vous voyez d'ailleurs au moment où elle le mord que des crocs luisants de liquide sortent de sa bouche, un peu comme des crocs de serpent. Et donc le loup s'écroule sur l'escalier et roule manifestement immobilisé ou inconscient et roule en bas de l'escalier. Et donc Héloïse vous fait face maintenant. Nous méritons des explications, je crois. Je crois que c'est pas notre mère et je crois que lui c'est notre père. Oui, je crois que c'est clair. Ah, mes enfants, vous allez bien, il ne vous a rien fait? Les crocs qu'il avait, Patrick, ça ressemblait un peu à ça ou pas? Tant mieux. Non, pas du tout. Lui, c'était plutôt des dents carrées. Plutôt, c'est comme s'il y avait des molaires partout, quoi, tu vois. C'est, Non, d'accord. Des espèces de défenses de sanglier. Non, même pas vraiment. Genre plutôt une mâchoire complètement carrée et des molaires sur toute la... Oui, c'est un troll, quoi, ok. Ce n'est pas un troll. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je ne souhaitais pas que vous subissiez ce traumatisme tout de suite. J'aurais préféré que vous soyez un peu plus vieux. Mais c'est pas grave, nous allons tout arranger. Ce n'est rien. Nous trouverons d'autres gens. Et ne vous inquiétez pas, mes enfants. Mais rien ne peut s'arranger. Êtes-vous seulement notre mère? Mais oui, je t'ai élevé, je t'ai bercé, Oedipe. Oui, mais lui, alors, qui est-ce? Je montre le loup en bas d'escalier. C'est un faible. Il ne vous mérite pas. Il n'a jamais rien fait pour vous. Oui, mais nous sommes comme lui. On peut sentir les odeurs différemment maintenant. Alors, différemment, oui et non. Ça a toujours été très, très prégnant, justement. Tu peux peut-être maintenant le comprendre, mais tu as toujours eu une affinité avec les odeurs. J'ai d'ailleurs modestement essayé de le retranscrire. Oui, c'est clair. Les épices sont les épices. Oui, tout à fait. Mais justement, je voulais jouer dessus. Est-ce que l'odeur de l'homme loup, là, ça nous parle, quoi? Ça ressemble à quelque chose qui est... Non, pas plus que ça. C'est une odeur... Bah, maintenant, tu le comprends. Il y a effectivement une espèce d'odeur animale, une odeur de pluie qui dégage de lui. Donc, tu comprends que c'est certainement lié, effectivement, à ce qu'il est, mais sans que ce soit évident pour autant, tu le comprends. Tu veux pas, voilà. Non, c'est plutôt, est-ce qu'il n'a pas une odeur qui serait familière de la nôtre, quoi? Non, pas forcément. Pas maintenant qu'il est en loup, enfin là, il est en loup, donc effectivement, l'odeur de loup que tu peux rapprocher de celle que vous aviez quand vous étiez vous-même transformé, mais non, sinon pas spécialement. Au contraire, tu arrives plutôt facilement à distinguer des différences. C'est relativement évident pour toi. C'est comme montrer des couleurs, comme montrer du rouge et du jaune à un voyant, quoi. C'est évidemment pas la même chose. Est-ce qu'on détecte l'odeur de Lucie ou Catherine dans les parages? Tu peux capter des odeurs, oui, dans les étages. Okay. Donc je voudrais des explications. Nous voudrions des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ce n'est rien. Cet homme a voulu vous enlever à moi et maintenant il a échoué. Nous allons nous débarrasser de lui Que s'est-il passé avec Patrick? Nous l'avons tué. Pour faire court, ils ont essayé de nous buter et ça s'est pas bien fini pour eux, quoi. Elle se tourne vers toi et fronce ses sourcils. Barthélémy, je te répète que je ne t'ai pas élevé comme ça. Parle correctement, s'il te plaît, d'un ton très sec. Aucune chance, on ne sait même pas si vous êtes notre vraie mère. Ah, qu'est-ce qu'une mère? Vous allez sortir vos crochets à nouveau, c'est ça? Pas avec vous, enfin, voyons. Jamais je ne vous ferai ça. Un petit sourire sur les lèvres. Vous êtes mes enfants. Même si vous en arrivez à ne pas me considérer comme votre mère, je vous considérerai toujours comme mes enfants. Mmh. Bon, en tout cas, si vous ne voulez pas nous donner de réponse, le Dark Hipster... Ah non, Edouard, c'est vrai que maintenant on sait qu'il s'appelle Edouard. Edouard le pourra sûrement, donc vous ne lui ferez pas davantage de mal. Ah non? Bah non. Non. Elle se penche, enfin, elle descend doucement les marches d'un pas nonchalant. Mais je m'approche, je me mets entre elle et Edouard. On se regroupe autour du loup. Toi, Lucien, qui est le plus proche de moi, tu me défies ? Je me mets à côté de Lucien. Ouais, pareil. Et pareil. La meute ! C'est la meute ! Ah. Nous vous défions, je crois que c'est plutôt ça le terme. Qu'avez-vous fait à Patrick, Emilio et Marc ? Et qui a mangé mon meilleur ami. Ça devrait vous donner un élément de réponse. Et ça ne répond pas à ma question. Non, bah, si vous voulez une réponse, vous allez faire quelques mètres dans les bois et puis... Ils sont morts dans la forêt. Quand vous serez revenu de votre promenade, on pourra discuter. Bien, vous voulez faire vos propres expériences, c'est ça ? Vous voulez découvrir la vie par vous-même ? Très bien. Prenez-le, emmenez-le, faites cette erreur. Et peut-être reviendrez-vous vers moi quand vous aurez compris. Elle se détourne et monte lentement les escaliers. Je peux inspecter le loup ? On sort. Voir son état de santé ? On peut peut-être l'amener dehors, là. On ne sait pas trop à quoi on s'expose dans la maison. Hein. Mais on n'est pas dans la maison, en fait. On est sur les marches à l'extérieur. On est devant. On est sur les marches du perron ? Ouais. Ah bah non, vous êtes sur les marches, vous étiez sur les premières marches, enfin devant l'escalier, dans la maison, hein, pas... Ah oui, voilà. Ouais, c'est ce que j'avais compris aussi. Ah d'accord. Et pardon, j'étais peut-être pas assez clair. Donc je propose qu'on sorte de la maison. Donc vous voyez Héloïse monter les marches dans un chuintement, un glissement. Vous entendez peut-être même un certain sifflement. Oh là là. Super, j'adore les lamias, super. Bon, ça s'est bien passé. C'est Héloïse. Donc vous prenez le loup. Fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît, Barthélémy. Ouais. Est-ce que mon vécu entre en compte Ton vécu, pardon. Est-ce que mon vécu médecine peut entrer en... Oui, oui. Ouais, on va l'étendre au côté vétérinaire. Tout à fait. Et tout, ça a l'air d'être un âne de temps en temps. C'est ça. T'as érudition en plus, donc ça change rien. Donc deux succès. Tu vois qu'en fait, il a manifestement reçu une certaine dose de poison et tu sens néanmoins son battement de cœur. Il est vivant, il est paralysé, simplement. Ouais. Okay. Avant qu'on parte, est-ce que ça vous dit pas qu'on chope quelques affaires, qu'on aille faire un tour, voir quelle tronche a vraiment Lucie et ce qu'il en est vraiment de Catherine ? Ouais, ce qu'on peut aussi faire éventuellement, c'est passer vite fait à l'infirmerie, choper deux, trois trucs pour essayer de soigner le poison, là. Ah, je sais pas, ouais. Pas sûr, parce que là, rien ne nous dit qu'elle va pas changer d'avis. Voilà, telle qu'on la connaît, elle changera pas d'avis. Je suis pour me barrer. C'est... Non, mais pas changer d'avis, c'est nous laisser partir. Enfin, elle nous laisse partir, on peut quand même. Oui. Elle nous a pas mis à la porte. Je sais pas, moi j'ai envie de savoir quelles créatures sont Lucie et Catherine. Alors, qui remonte les escaliers pour essayer de prendre des affaires ? Je pense que c'est dangereux. Bah, moi. Bon, on y va tous. Ah. De toute façon, le loup, on l'a laissé à l'extérieur. On va... Ouais, mais on va pas se le trimballer dans les escaliers. Oui, non, mais au pire, on se fait éjecter, c'est pas grave. Vous commencez à. Enfin, certains d'entre vous, en tout cas, ou tous, commencez à remonter les marches. Et donc vous voyez Héloïse en haut des marches qui se retourne vers vous, l'air extrêmement en colère. Ouais, d'accord, ok. Bon, on y va. Vous avez décidé de partir. Ne comptez pas sur moi maintenant. Vous voulez récupérer des affaires ? C'est hors de question. Débrouillez-vous tout seul. Vous verrez ce que c'est la vie sans moi. Ok, on récupère pas d'affaires. J'ai juste vraiment envie de savoir ce que c'est comme créature, les deux autres. Et qui êtes-vous, en fait ? Bah voilà, mère. Si je peux vous appeler comme ça encore. Elle a dit démerdez-vous pour découvrir la vie sans moi, elle va pas nous donner des indices du coup. Qu'est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que je suis ? Je suis puissante, beaucoup plus que vous. Partez maintenant. Elle pousse une espèce de cri de feulement vers vous avec ses crocs proéminents luisants de poison. Ok. Bon, en même temps, s'il y a la one-shot Dark Hipster, on va peut-être... Oui, on va prendre ça comme une invitation au voyage. Ouais, exactement. Sacrée invitation. Bah écoute... Et donc vous voilà avec votre loup sous le bras en train de quitter cette propriété... À poil. Peut-être à jamais, c'est on. Il n'y a pas une brouette dans le jardin qu'on peut emprunter ? Je crois que vous étiez rhabillé quand même, mais... C'était vraiment... Et donc, nous allons arrêter ici. Voilà. Vous avez donc joué à un jeu de rôle qui s'appelle tout simplement Meute. Meute, je pense. Ouais. Meute, très bien. C'est donc un jeu de rôle français, je pense, hein, tout simplement. Ah. Oui, j'ai vu passer la couverture, je ne sais pas trop ce que c'était. De loup-garou, que je trouve assez finement fait, même si les règles sont un peu... Enfin, la base est simple, mais il y a des petites complications sur ce petite subtilité qui complique un peu les choses, mais bon. Subtilité. Moi, je pense qu'en jouant régulièrement, on chope assez vite, hein, mais bon, voilà. La dynamique de meute doit être super importante, et c'est ça qui doit... Ouais. Oui, donc il y a l'alpha qui est bien mis en avant, effectivement, donc c'est pour ça que dès le départ, il a fallu que j'identifie qui parmi vous devait être l'alpha. Donc, tout à fait. Donc voilà, je me suis tourné vers les caractéristiques de base, de dominance, et donc du coup, j'ai pris Oedipe, qui démarrait à... Ah, c'est pas l'aîné ? Non, c'est parce qu'il a 4 en dominance et que vous tous, de base, vous en aviez 2. Vous n'aviez que 2. D'accord. C'est pour ça. Mais c'est quand même l'aîné, du coup. Non, ça n'a pas d'importance. Non, c'est la dominance qui compte. Enfin, du moins, non, en fait, pardon, à la création du groupe, vous, le groupe choisit qui est l'alpha. Non, mais... Alors, évidemment, je ne pouvais pas vous faire choisir qui était l'alpha. Oui, oui, d'accord. Donc, comme la dominance est une valeur très importante pour l'alpha, j'ai pris... j'ai pris Oedipe. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que donc effectivement, l'aspect meute est très important. D'ailleurs, il y a une création de meute, okay. Y compris avec d'autres membres de la meute. Donc, en fait, il y a des points à utiliser pour créer la meute, créer les personnes autour qui peuvent être d'autres neuris. Les neuris étant les loups, enfin les loups-garous. Mais ça peut être aussi des suivants. D'autres choses. Donc il y a vraiment, il y a une mécanique de création de meute que j'ai évidemment pas pu vous faire, et de toute façon ça n'avait pas de sens parce que votre meute n'était pas vraiment créée de toute façon. Il y a une mécanique de création de loup, donc là j'ai dû un petit peu ruser pour vous faire donner des adjectifs, des choses qui me permettraient de créer un petit peu ou de pré-créer votre loup. Mm-hmm. Donc là il a fallu ruser un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que Héloïse, votre chère mère, est en fait une vouivre, qui donc ce sont des créatures mégalomanes qui cherchent à contrôler d'autres, des humains ou des créatures fantastiques. Donc effectivement, Emilio, lui, était un faune, Patrick était un ogre, Catherine, elle, est une humaine, mais c'est ce qu'on appelle une loutière. C'est une espèce d'alchimiste, en fait, au sens un peu magique, quoi. Enfin, quant à Monique, Marc et Lucie, c'était des humains, de simples humains. Qui savaient dans quoi ils mettaient les pieds, quand même, ou... Non, pas du tout. Ils étaient sous le contrôle de un peu du faune, qui a un espèce de côté très très séducteur, très très charismatique. Et du coup, il y avait une influence entre le faune et Louise. Il y avait une influence forte sur les humains. Et donc ils étaient à leur botte. Et l'arrivée de d'Edouard Loriot, le loup que vous tenez dans vos mains, qui est un neuri, a bien perturbé cet équilibre. Et c'est pour ça qu'il y a des vices un peu qui se sont mis à ressortir parmi les habitants de cette bicoque. Moi, je m'attendais à ce que tout le monde soit des loups, en fait. Non, du tout. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu... que la découverte est venue doucement et que vous n'avez pas compris tout de suite ce qui vous arrivait. J'ai beaucoup aimé, franchement. Non, c'était cool. C'était vraiment très très bien. C'était vraiment chouette. Hein. J'en doutais un petit peu, parce que c'est vrai que tu avais bien appuyé sur les odeurs au premier, première partie. Ouais, je sais. Donc je me doutais qu'il y avait un truc. Il fallait que j'insiste un peu dessus, mais j'essaie d'être un peu discret quand même, mais bon, c'est pas... Non, mais c'était sympa. Ouais, c'était difficile de toute façon. Et la deuxième. Ça fait que 2 séances. Hein. En 2 séances, c'est plutôt pas mal. Après, je pense que j'ai eu des. Je pense que j'avais trouvé le jeu à peu près. À la première séance? Non, pas la première. En cours de celle-ci? Je pense au cours de celle-ci. Ouais. Parce qu'au cours de celle-ci, tu as plus insisté sur un espèce d'esprit de groupe, etc. Et je me suis dit, le flashback Seconde Guerre mondiale, je me suis dit, ok, une espèce de super-héros, etc. Mais on a l'air de prendre cher quand même. Je pense qu'on doit être. Des espèces de garous. Alors effectivement, donc ça j'en ai pas parlé, le côté réminiscence comme ça, en fait, c'est effectivement aussi une mécanique du jeu, c'est-à-dire que vous vous souvenez de vos vies passées, puisqu'en fait vous êtes... Alors les loups-garous, en fait, dans cet univers, ce sont des esprits de loups. Il y a très longtemps, des tribus qui ont fait un espèce de rituel, une tribu qui a fait un espèce de rituel pour lier des esprits de loups aux esprits humains. Et en fait, les humains meurent, mais l'esprit, lui, revient et s'incarne dans la descendance de cette tribu. Et donc, et en général, réintègre la même meute, mais pas tout le temps. Et parfois, il y a des nouveaux esprits qui arrivent, mais c'est très très rare. Des nouveaux loups. D'accord. Ou des très anciens loups qui reviennent. Et donc, en fait, vous avez du coup des mémoires qui sont liées à l'esprit de loup qui peuvent revenir. Donc, c'est pour ça qu'à la préparation, je vous avais demandé si vous préfériez la Seconde Guerre mondiale ou la Renaissance. Et je vous aurais sans doute pondu une petite scène à base de mousquetaires ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Renaissance. Le coup des vies passées et tout ça, ça ressemble vachement à Chimère et Hurlement, en fait. C'est plutôt sympa, ça. Je connais pas. Enfin, je connais le nom, mais je ne connais pas la mécanique. Et en tout cas, merci bien. C'était une chouette... Très, très fun. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Très bien. Et puis, moi, franchement, la lecture, j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu super sympa, quoi. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose... De faire quelque chose. Il y avait quelque chose de plus par rapport à d'autres jeux. Enfin, vraiment, la mécanique de meute et tout, c'est vraiment sympa. Bon, allez, voilà. Et donc, merci à tous. Et puis, j'espère avoir piégé quelques auditeurs aussi. All right. Merci beaucoup. Et donc, à la prochaine. Ouais, bye. Bye-bye. la prochaine. Ciao. Merci à tous. Bye bye. Salut. Il s'agissait donc de Meute, très bon jeu de Julien Moreau aux éditions John Doe. Ce jeu prend un chemin différent d'un loup-garou de White Wolf et apporte une vue originale et plaisante avec une approche de groupe, de meute donc, très centrale ici et même portée par le gameplay, au thème du garou. Jeu à essayer.